بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par l'aube et par les dix nuits, par le père et l'impère, et par la nuit lorsqu'elle s'écoule, il s'agit là d'un serment suffisant pour les gens doués d'intelligence. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les Had, Diram, la cité aux colonnes remarquables, dont jamais pareille ne fut construite de par le monde, et les Thamoud qui taillaient le roc dans la vallée, ainsi que Pharaon, l'homme aux épieux. Tous avaient dépassé les limites dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordres. Par conséquent, ton Seigneur abattit sur eux le fouet du châtiment, car ton Seigneur est toujours aux aguets. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Quant à l'homme, chaque fois que son Seigneur l'éprouve en le comblant d'honneur et de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais chaque fois que Dieu l'éprouve en restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a déshonoré ». Il n'en est rien. C'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous encouragez pas les uns les autres à nourrir le pauvre, qui dévorez goulûment les héritages, et qui aimait les richesses d'un amour sans borne. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur apparaîtra en compagnie des anges qui seront placés en rang. Ce jour-là, on amènera l'enfer et l'homme se rappellera alors. Mais à quoi lui servira-t-il de se rappeler? Il dira, hélas, Que n'ai-je fait du bien en prévision de ma vie future? Ce jour-là, nul ne saura châtier comme lui châtiera, et nul ne saura ligoter comme lui ligotera. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis.